Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des Nous, un mini-épisode où cette fois-ci je ne mettrai même pas le générique, quoique je doute qu'il soit suffisamment court pour que ça soit utilisable comme un YouTube short. Non, en fait, je voulais simplement m'exprimer sur un film que j'ai vu hier et je ne crois pas que j'aurai le temps. En tout cas, certainement pas aujourd'hui et pas avant de nombreux jours, de faire un épisode plus régulier avec une caméra, avec un éclairage bien préparé, avec un microphone de qualité. J'y vais avec le minimum syndical, un casque d'écoute, micro, un micro-casque. Qui normalement devrait servir à des jeux vidéo que j'ai branchés à mon ordinateur. Et c'est avec cela que je fais cet épisode. C'est un épisode spécial pour Fantasia 2023, puisque je suis allé voir un film dans le cadre de ce festival hier, le film Killing Romance. Un film coréen qui est présenté comme étant une comédie musicale romantique sud-coréenne sortie en 2023. Bon, musical me semble un terme un peu exagéré. Il y a bien quelques petites chansons, mais ce n'est pas vraiment un film musical. Romantique, je suis pas sûr que j'appellerais ça romantique, mais une comédie, il n'y a pas le moindre doute. Et effectivement, c'est sud-coréen, et effectivement, c'est sorti en 2023, cette année. Ce film a été réalisé par Lee Won-suk et écrit par Park Jeong-ye. Il met en vedette Lee Ani, aussi connu en tant que Onely, apparemment, qui joue le rôle de Wang Yeo-rae, une actrice, en fait une ancienne actrice, une actrice qui après un échec de son film, et qui est ridiculisée par le public, et après s'être mariée avec un homme riche, va se retirer, mais ce n'est peut-être pas la vie joyeuse. Et donc, il y a aussi Lee Sun-kyun qui joue le rôle de Jonathan Na, le riche époux de l'actrice, qui a su la séduire, mais en fin de compte, des années plus tard, on se rend compte qu'il la tient entre ses mains comme une marionnette et qu'il en fait ce qu'il veut. Qu'il ne la laisse pas continuer à acter ce qu'elle aimerait bien faire. Il y a aussi Gong Mi-young qui joue le rôle de Kim Beom-woo, un adolescent voisin de notre couple pendant un voyage, qui est aussi un fan de l'actrice et qui essaie de passer un examen d'entrée de l'université de Séoul. Mais disons qu'il n'est peut-être pas très bon à cet examen et qu'il est beaucoup plus intéressé par l'actrice dont il est fan. Et donc, ce fan et l'actrice vont développer le plan de tuer l'époux, le riche époux, afin qu'elle soit libre, parce qu'elle ne peut pas juste le divorcer. Il est doué pour faire disparaître les gens qui le trahissent. Donc, malgré cette intrigue qui peut sembler extrêmement noire, c'est un film extrêmement drôle, un film au style un peu léger, un peu pop-corn, un film qui se compose beaucoup par le jeu extrêmement exagéré de ses acteurs, particulièrement celui qui joue le rôle du riche époux, mais aussi les autres aussi sont très exagérés, l'humour est très exagéré, ce n'est absolument pas un film réaliste, c'est sans doute là qu'il rejoint un peu le côté comédie musicale romantique, même s'il y a peu de musique et même si c'est pas tellement romantique, c'est très exagéré. C'est d'ailleurs, les gags pleuvent continuellement. C'est un feu roulant d'humour assez absurde. Il faut savoir par contre apprécier un humour assez léger, un peu n'importe quoi et des gags continuels, tels que par exemple le fait que le à force d'avoir raté son examen, le personnage devient un peu étrange et il parle aux animaux et apparemment les comprend. Ou bien l'actrice, quand elle réussit à mettre la main sur une boisson dont elle a déjà fait la publicité, redit le pitch publicitaire, ce qui est plutôt absurde. C'est un film extrêmement amusant que je recommande chaudement pour s'amuser. Par contre, ça reste du divertissement bonbon. Ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma coréen. Il y a de bien meilleurs films qui viennent de là-bas, tels que par exemple Old Boy. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, 5 est un chef-d'œuvre. 4 est une œuvre qui se démarque particulièrement. 3 est un divertissement honnête. 2 est une œuvre moyenne. 1 est une œuvre mauvaise. Et 0 est une nullité absolue, telle que l'idée de tuer qui que ce soit. Eh bien, ce film se mérite un 3 sur 5. C'est un divertissement honnête tout à fait réussi. Par contre, je dois pleurer parce que, avant la projection du film, en entrant dans la salle, on nous donnait des plats de nouilles instantanées et je n'en ai point eu. On ne m'en a pas offert personnellement. Oh mon Dieu, que c'est triste. Donc, sur ce, bref, au revoir, à la prochaine. Ou devrais-je dire au revoir et à bientôt. En fin de compte, ça commence à être un peu long. Je pourrais bien mettre une version réduite du générique à la fin. Au revoir et à bientôt. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org.